T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, oui. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Planète Indie. C'est l'épisode numéro 416, premier épisode de 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et une année 2020, eh bien, qu'on vous souhaite excellente et pleine de musique, pleine de bonne musique. En tout cas, si vous nous restez fidèles, eh bien, c'est ce qu'on vous propose. Et puis Planète Indie, c'est much more than just music, donc on n'aura pas que de la musique. On ira voir aussi, par exemple, dans le monde du cinéma, mais ce sera plutôt pour l'émission du mois de mars, puisqu'on va suivre les festivals habituels qu'on suit du côté de Mons et ici à Luxembourg. Et puis comme chaque mois, on vous proposera une BD à découvrir, donc une belle BD cette semaine, enfin ce mois-ci, pour le mois de janvier. Donc restez fidèles, ce sera pour un peu plus tard. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec des nouveautés. Tout d'abord, Miss Ballistic avec un morceau intitulé Blood and Glitter. Puis après, on écoutera un extrait de cet album ressorti de Parade Ground, un album ressorti pour la 30e anniversaire de sa sortie initiale. On écoutera le morceau Hollywood. Et puis on aura bien entendu un power play, eh bien, comme chaque mois, et exceptionnellement, c'est un artiste qu'on n'a encore jamais entendu, même pas en programmation normale, on va dire. Donc ça, c'est pour dans quelques minutes. Pour l'heure, donc, Miss Ballistic, Blood and Glitter, et puis je vous réitère, donc, mes bons voeux pour cette année 2020. Allez, c'est parti pour le meilleur de la musique alternative, le meilleur de la musique indépendante. Touch the pearl, swish the hair. a song called Hollywood, back in 1988. Get up on me. with me. Let me take you higher, get into the groove. Get up on your feet and come over me. I wanna see you dance, wanna see you high on move. Yeah. So come on, let me take you higher, higher, higher. Si vous êtes sorti eh bien au Nouvel An, c'est probablement le genre de musique que vous avez dû entendre. C'est Eva de l'écurie Friends of Barry. On l'écoutait avec Get Up on Your Feet. Et puis avant cela, c'était Parrot Ground, un morceau qui nous ramenait en 2008, comme ils vous l'ont annoncé, enregistré en public un morceau qui s'appelle Hollywood. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons découvrir qui est notre premier power play de cette année. Il nous emmènera en Suède, ça je peux déjà vous le dire. Pour l'heure, eh bien, on va encore écouter un autre morceau, c'est le remix 2019 du morceau Sweet Life par le groupe Bright Garden. Thank you. Voilà, j'ai décidé de la laisser jusqu'au bout parce que cette version est superbe. C'est l'édition, le remix 2019 du morceau Sweet Life par le groupe Bright Garden. 17h22, vous écoutez RGL, c'est Planet Indie. Comme chaque premier samedi du mois, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative et puis d'autres choses aussi à côté de la musique. Pour l'heure, eh bien, il est l'heure de passer à la découverte de notre album Powerplay. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, eh bien, il nous emmène ce mois-ci en Suède. L'artiste s'appelle Henrik Cederblom. J'ai pas choisi le nom le plus facile. Hein. Et son album s'intitule quant à lui Zobop. Eh bien, c'est le premier album solo de cet artiste suédois qui est plutôt un homme de l'ombre. Henrik Cederblom, eh bien, il est guitariste et il a travaillé avec pas mal de grands groupes et grands artistes suédois depuis le début des années 90. On peut citer par exemple Freddie Wadling, Daniel Lema, Sofia Carlson ou encore Timo Räsänen qu'on a par ailleurs déjà écouté dans cette émission. Il a commencé bien à jouer de la musique vers le milieu des années 80. Il jouait dans des groupes rock et soul. Et puis en 1989, il travaillait à l'époque avec un groupe vocal qui s'appelait Amanda. Et grâce à ce groupe, il a eu l'occasion de rencontrer des musiciens qui appartenaient plutôt à la mouvance world ou folk à Gothenburg, donc en Suède. Ça l'a mené bien à collaborer et à jouer avec le groupe Simbi, un groupe qui produisait, qui faisait sa propre musique de style haïtien. Et puis par après, il a formé le groupe Denfuel, je ne sais pas trop comment il faut prononcer à la suédoise. Denfuel donc, qui était un groupe qui jouait un style original de musique folk instrumentale suédoise. Ce groupe Denfuel a reçu un Grammys, c'est donc l'équivalent suédois des Grammy Awards, en 1993 pour leur premier album, Lugum Like. Ils ont depuis lors fait trois autres albums. Le dernier, qui s'intitule Contrebande, est sorti en 2012. Et on peut citer pour cet album la collaboration des deux grands musiciens sénégalais, Adama et Solo Sissoko. Voilà pour le début de la carrière de notre ami Henrik Cederblom. L'album, je vous l'ai dit, là, il s'appelle Zobop et on va en écouter un premier extrait. C'est de l'instrumental, on n'a pas habitude, mais c'est essentiellement de l'instrumental cet album. Il y a un peu des chœurs par moment, mais assez en retrait. Et bien, je vous propose d'écouter la plage titulaire de cet album Zobop. Ça s'appelle donc Zobop et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Thank you.

Vous l'avez peut-être reconnue, c'est une de nos chanteuses, j'allais dire favorites, mais c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Elle s'appelle Sari Shore et on ne peut que suivre son conseil. Elle nous invite d'allumer la radio. Turn the radio on. Avant de poursuivre en musique, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le programme de la Rocale. Alors, le 12 janvier, vous aurez l'occasion de voir le Lac des Cygnes, le ballet, hein, Schwanze. Le 18, ce seront les Aristocrates. Le 18 aussi, ça c'est au club, et au club, il y aura aussi Homo Deus. Le 24 janvier, Fallen Lies. Le 25, Bolero, un hommage à Maurice Ravel, évidemment. Le 31 janvier, Blaya au club. Puis ça nous amène au 1er février. Alors pour ceux qui aiment les groupes qui déménagent, eh bien 1er février, Slipknot et Behemoth. Le 2 janvier, bah c'est aussi dans le même style, Five Finger Death Punch avec Megadeth. Et le 4 février, ce sera Young M.A., que je ne connais pas du tout, donc je ne peux pas trop vous dire de quel style c'est. Pour plus d'informations, vous allez sur le site de la Rocale, www.rocale.lu. Nous, on poursuit en musique avec une autre nouveauté. Il s'appelle Dennis Roger Reed et il est accompagné de Don Reed, donc j'imagine que ce sont deux frères, et il nous interprète le morceau de Coucou. Well, the cuckoo, she's a pretty bird, and she warbles as she flies, but she never hollers cuckoo until the 4th day of July. Jack of Diamonds, Jack of Diamonds, I've known you of old. You have robbed my poor pockets of all the silver and all their gold. Well, train robbing, that's far too dangerous, so gambling, I will go. And I'll eat just when I'm hungry, and I'll drink just when I'm dry. And if some woman don't kill me, I'm gonna live till sell you half a gallon for $1 bill. Well, Jack of Diamonds, Jack of Diamonds, I have known you of old. You have robbed my poor pockets of all this silver and all their gold. Thank you. Le groupe Diesel Park West avec Bombs Away, et ben, un morceau qui sonne tout à fait d'actualité au vu des développements récents. Allez, d'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay, l'album Zobop de l'artiste suédois Henrik Cederblom. Avant cela, on va encore écouter Michael Tyree avec All the Time. Yeah. Il s'appelle Michael Tyree, il nous interprétait le morceau All The Time, 17h50. Eh bien, retournons sur notre album Powerplay. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Planet Indie, comme chaque premier samedi du mois sur les ondes de RGL, les ondes radio, sur le câble télédistribution de Poste, ainsi que sur les bouquets Proximus et vous en Belgique, et puis vous pouvez aussi nous écouter via internet sur le site de RGL ou le site de Planet Indie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce que je vois que je ne l'ai pas encore annoncé aujourd'hui, c'est www.ilovemusic.ga, www.ilovemusic.ga. Et puis nous sommes présents aussi sur Facebook, nous avons un groupe sympa, on est à peu près 200 personnes, et il y a beaucoup d'artistes que vous entendez dans cette émission. Donc si vous voulez entrer directement en contact avec eux, n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis libre à vous de nous faire part, eh bien, de ce que vous pensez de la musique et du concept de cette émission. Le concept, eh bien, il prévoit d'aller trois fois sur l'album Powerplay. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va retourner sur cet album intitulé Zobop de l'artiste suédois Henrik Cederblom. On s'était quitté tout à l'heure au moment où, eh bien, on parlait du groupe Denfuel qu'il avait créé. Ça, c'était notamment début des années 90, on va dire. En 1993, ils ont eu donc ce Grammy pour leur premier album. Et puis les années 90 étaient des années qui ont été marquées par le son groove pour l'artiste Henrik Cederblom. Et puis en l'an 2000, il a enregistré un album avec notamment l'artiste soul d'origine mi-suédoise, mi-éthiopienne, Daniel Lema. Et cet artiste s'est tellement bien comporté, il a été très bien reçu, et bien que Henrik Cederblom, et bien, il a pris conscience en fait qu'il avait envie de jouer avec des grands chanteurs, puisqu'on rappelle que lui, il est plutôt un guitariste, hein, il n'est pas vraiment un chanteur. Et il avait envie donc de travailler avec des grands chanteurs, et il a la chance d'avoir l'occasion de le faire. Il a notamment travaillé avec Patrick Reidman, Freddie Wadlin qu'on citait tout à l'heure, Sophia Carlson ou Sophie Livebrandt parmi d'autres. Et puis le fait, eh bien, de jouer avec ces grands chanteurs, ces grands compositeurs, essentiellement, eh bien, il jouait de la musique acoustique, il jouait de la mandoline, ou voire même à l'occasion du violon, eh bien, ça lui a laissé un petit goût de trop peu, et il avait un urgent désir, eh bien, de retourner à ses guitares électriques. Et c'est ainsi qu'il a commencé à écrire les morceaux pour son projet solo, donc cet album Zobop qu'on découvre aujourd'hui. Je vous propose donc d'en écouter un second extrait. Le second extrait s'appelle Happy Bouddha, et on l'écoute donc tout de suite comme Powerplay dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Thank you. Coldplay, il s'appelle Henrik Cederblom. L'album s'intitule Zobop et on écoutait le Happy Buddha. Avant de poursuivre la programmation musicale, je vous propose de passer rapidement en revue la programmation de la Culture Fabrique. Je dis rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose de prévu pour le mois de janvier. Le 22 janvier à 20h, c'est du théâtre avec Freyer vor Alles. Le dimanche 26 janvier, c'est pour les métalleux, la Metal Birds. 29 janvier, mercredi, le groupe français Nouvelle Vague. Et puis le vendredi 31 janvier, c'est la release party du groupe Miles to Perdition. La veille, vous aurez l'occasion de voir le groupe américain Sun Ho. Et puis, tant qu'on est dans la programmation, on va aller jusqu'au jeudi 13 février avec Hannah Williams and The Affirmation. C'est un groupe anglais qu'ils en profitent, ils peuvent encore venir tant qu'ils sont encore membres de l'Union Européenne. Ça, c'est une autre question. Allez, on poursuit en musique avec Spike Flynn, Father O'Connell. Et puis après, ce sera les Kings, King of the Tramps et un morceau intitulé Worry. They're drinking them on down at the Royal Hotel. Wind's blowing south, brings a stockyard smell. Sunset burns like the fires of hell. As time stands still for the days, farewell. Old Father O'Connell is alone in his room, thinking of redemption, he's thinking of tombs. Born in Dublin, educated in Rome, he stares out the window till he's almost back home. He feels death's coming, and in moments of doubt thinks of a wife, child, loving words in his mouth. But the call, it was clear, or so it seemed at the time, and there's worse ways to live than the bread and the wine. He'd say, well, the Pope's in Rome, boys, and that's a long way from here, as he'd put down his Bible and lift up his beer. He'd say, well, maybe meaning's elusive, but so are winners at the track. And the Bible itself says to never look back. He says the guilty will sleep as the innocent tonight. All sinners and saints share the stars that burn bright. And these wide western plains are God's country, all right. In toil and suffering, we share the blood and the bone. And Father O'Connell is almost back home. Through the fires and floods, the deaths and the births, this son of Ireland has joined with this earth. He's the last of his kind, the last of a breed. He's helped many a man get back up from his knees. He's seen hard women cry and the heart of men weep. They come as angels at night, sometimes in his sleep, other times as demons, and he sweats to the bone, wanders Dublin's fair streets in his dreams, all alone. They'd come to him in doubt, their sufferings in vain. He'd tell them he knows, he suffers the same. We're all brothers and sisters, he'd say, all children of the earth. And it's the sharing of it all that gives this living its worth. As they drank for love in this small western town tonight, he paused to bow his old head down. He sent a prayer of thanks to those who hunger and thirst, who taught him the prayer of the dry western dirt. The guilty will sleep as the innocent tonight. All sinners and saints share these stars that burn bright, and these wide western plains are God's country, all right. In toil and suffering, we share the blood and the bone of Father O'Connell. Tonight, he went back home. Yes, Father O'Connell, tonight, come back home. Father O'Connell is finally back home. Don't you worry. Voilà, c'était donc le groupe Les King of the Tramps avec le morceau Worry. 18h08, le temps avance. Il est grand temps pour nous de passer, pour moi surtout, de vous présenter eh bien, la bande dessinée du mois. Et ce mois-ci, c'est une bande dessinée d'un très très haut niveau que je vous propose. Elle s'appelle Jusqu'au dernier. Le résumé de l'histoire est le suivant. Russell, cowboy au long cours, effectue ce qu'il pressent être son ultime convoi de bétail. Le développement du chemin de fer a changé la donne pour les vachers et les force à se recycler et à trouver une nouvelle occupation pour survivre. Au terme du périple qui les a menés jusqu'à Sundance, il propose à son fidèle compagnon Kirby de s'associer à lui pour gérer un ranch, la seule mise de départ qu'il lui réclame étant là sa promesse de s'occuper de Bennett une fois qu'il ne sera plus là, le fils adoptif qu'il a pris sous son aile après le décès de ses parents. Pendant que les deux compères vont célébrer la réussite de ces derniers voyages, le jeune garçon est retrouvé mort avec le crâne fracassé. Personne ne semble savoir ce qui s'est passé. Fou de rage, Russell s'allie avec des bandits de grand chemin pour encercler le village et exiger du maire qu'il lui livre l'assassin de son protégé. C'est aussi à ce moment que se déroulent les négociations pour déterminer à quel endroit sera établie la future grande gare ferroviaire pour les charrois en partance vers Chicago. Sundance est bien évidemment candidate et prête à mettre le prix pour bénéficier des retombées économiques générées par les flots de voyageurs. Mais cette malheureuse tragédie risque fort de ternir irrémédiablement l'image de la ville. Le compte à rebours a commencé pour le maire qui doit gérer cette affaire sans faire trop de remous et réunir la somme demandée par le représentant des chemins de fer pour garantir ses recommandations positives. Il est amusant de remarquer que les deux compères, Félix et Gastine, donc le scénariste et le dessinateur, voulaient au départ réaliser une bande dessinée d'Heroic Fantasy, raison pour laquelle Gastine s'était attelé à dessiner des chevaux encore et encore. Quand il leur a paru qu'un seul volume ne serait pas suffisant pour y développer leur univers fantastique, ils se sont rabattus sur le western, un genre qui s'accordait très bien avec le scénario de départ et permettait surtout d'y caser aussi la plus noble conquête de l'homme. Les humains, tout comme les paysages, sont du même niveau graphique que les animaux, nobles ou pas, et le souci du détail a véritablement été poussé. Il suffit de regarder la couverture pour s'en convaincre. Couverture, eh bien, je vous la mettrai aussi sur notre groupe Facebook avec la conclusion de cette revue. Cette histoire permet de mettre en lumière la révolution éclair que le rail a engendrée et qui a poussé au chômage le personnage le plus emblématique de la prairie américaine, un épisode de la conquête de l'Ouest traditionnellement peu mis en avant. L'ambiance générale est plutôt pessimiste et révélatrice de la bassesse de la nature humaine, pleine de noirceur et qui, à de rares exceptions, semble incapable d'empathie et de générosité. Chacun y va de sa petite magouille, et quand les valeurs morales se trouvent en balance avec l'intérêt personnel, celles-ci penchent presque toujours du même côté. Au final, il n'y a que des perdants, si ce n'est peut-être le personnage le plus détestable, celui qui est vraiment prêt à toutes les compromissions pour l'emporter. En conclusion, eh bien, je dirais que le scénario nous offre un huis clos dans les grands espaces. On assiste impuissant à un scénario plein d'intensité et à une escalade savamment orchestrée qu'aucun personnage n'est en mesure d'arrêter et qui mène à toute une série de drames. Un petit bémol pour l'un des moments charnières où il faut un petit peu se forcer pour accepter le ressort dramatique. Soulignons encore une fois le travail graphique d'une très haute qualité, proche de l'excellence. Un livre à conseiller donc aux amateurs du genre, surtout s'ils n'espèrent pas une fin heureuse. Voilà, je vous rappelle le nom de cet album, ça s'appelle Jusqu'au dernier, il y a 72 pages. C'est sorti chez Grand Angle. L'auteur c'est Félix et le dessinateur il s'appelle Gastine. Je vous mets donc la conclusion et la couverture dans notre groupe Facebook pour l'air. Eh bien, on poursuit en musique avec le groupe Ethereal UK, Strange World, Normal Girl. Just a girl breathing in this world. As we dance, as we twist, as we twirl so strange. As we dance, as we twist, as we twirl so strange. Thank you. see deeper than my consciousness compressed. My desires for a remedy. Such a fright, that red crow outside my window last night. So it's a mystery how I can think I see this thing simply can't exist. But I saw him, I heard him calling. Belief is useless to resist. My heart fluttered, prayer was uttered. Trembling hand reached for the light. When I saw that red glow outside my window last night. One blood red feather on my windowsill revealed itself in morning's light. Hold it in my hand and shiver still. A chill like icy fingers climbs my back. First thought today was to run away, leave his terror far behind. But when he found me, my spirit bound me to this fate I can't unwind. I am sitting in the kitchen, windows open to the wind, waiting for that red crow to descend. There's a red crow outside my window. You don't know what that's se fait tout doucement pressant. À l'instant, c'était Randy Lewis Brown avec un morceau intitulé Red Crow. C'est la plage titulaire de son album. En ce qui concerne la programmation de l'abbaye de Neumünster, eh bien, c'est essentiellement des concerts de jazz. Il y a aussi le festival Reset Day, il y a 3 jours, entre le 16, le 17 et le 18 janvier. Il y a pas mal de festivals, et sinon ben, c'est souvent les concerts du dimanche matin. 26 janvier, Twenties Trio, le 1er février, Gemma Four, le 2 février, Natasha Kelly Group. Puis tout ça c'est à 11h, sauf le Gemma Four qui est du 1er février, donc c'est probablement le samedi. Oui, c'est le samedi, c'est d'ailleurs la date de notre prochaine émission. 6 février, Galia, c'est aussi à 20h, et puis le 9 février, le Matteo Pastorino Quartet. C'est de nouveau à 11h. Avant de retourner sur notre album Powerplay, on va encore écouter un autre morceau de Frank Migliori and the Dirt Nappers, un morceau intitulé Only Here. Gunshots in the hall, children huddled down in fear, blood splattered on the wall. Only here we pile backpacks in a high school parking lot, with cries and screams still echo through the ringing of the shots. Only here, why only here? Only here we turn a blind eye time and time again. Can't answer that one question, when's it gonna end? Only here, why only here? We only tear down the places where children learn and play, the thing we should destroy in an array. And the lies and the falsehoods, politicians that they buy, thoughts and prayers don't matter when so many people. Shots in the hall, children huddled down in fear, blood splattered on the wall. Only here, why only here? America, America, this is our greatest shame. So many lives have been cut short in endless ways. Only here, why only here, why? Only Here, oui, qu'ici, eh bien que vous pouvez écouter de la si bonne musique. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Cette émission sera rediffusée sur ces mêmes ondes demain dimanche entre 17h et 18h30 aussi. Et puis notre prochaine émission, eh bien, ce sera le 1er février pour l'épisode numéro 417. On va se quitter avec un dernier extrait de l'album Zobop de Henrik Cederblom, notre powerplay aujourd'hui. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait commencé à écrire les chansons parce qu'il avait un besoin de replonger dans la guitare électrique après avoir collaboré avec tous ces groupes de folk norvégiens. Eh bien, cet album Zobop, une fois qu'il a été enregistré, eh bien, on peut dire que c'est un album qui se concentre sur la mélodie et sur le groove. C'est un monde de musique urbaine qui tire son inspiration, eh bien, de la danse dans ses différentes formes. Zobop, on trouve des influences de styles comme Frank Zappa, Jeff Beck, Bill Frisell ou Tony Allen. Mais à la base, eh bien, la musique est écrite comme de la musique folk pour une guitare électrique, une basse, des percussions et un saxophone. Henrik Cederblom me dit qu'il a toujours aimé voir et admirer comment les violonistes jouaient ensemble dans les groupes traditionnels folk suédois et norvégiens. Et puis il aime aussi beaucoup jouer pour une audience, eh bien, un public qui aime danser. Alors c'est pour ça qu'il a voulu se concentrer, eh bien, sur le rythme et la mélodie. Zobop, eh bien, c'est un mélange entre tous ces éléments, toutes ces improvisations, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je vous ai mis un lien vers l'album. Vous pouvez écouter pas mal de morceaux, donc rejoignez-nous sur Facebook. Tapez Planète Indie dans Facebook. Je vous donne aussi l'adresse de notre site internet. Vous pouvez nous rejoindre aussi par là. C'est www.ilovemusic.ga. On se quitte avec un dernier morceau qui s'intitule, alors là il va falloir que je travaille mon norvégien, mon suédois. Il s'appelle Skoldpaddan. C'est avec ce morceau qu'on se quitte. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous réitère mes bons voeux pour une excellente année 2020 et je vous donne rendez-vous donc le 1er février pour l'épisode numéro 416 de Planète Indie. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à bientôt. Power play. Power play.